Agence de voyage Soleil Tour, bonjour. Bonjour madame, c'est Marc Tellier au téléphone. Bonjour, monsieur Tellier. Alors, vos vacances à Bréal-sur-Mer? C'était horrible. J'ai passé de très mauvaises vacances. Ah bon? Mais ce n'est pas possible. Nous vous avons proposé un très bon hôtel, très confortable. Je ne comprends pas. Un très bon hôtel? Mais non. Les chambres sont petites et sombres. La salle de bain est humide et ça sent mauvais. Et les petits déjeuners? Les petits déjeuners? Ils n'ont pas de goût. Et le jus d'orange est très sucré. Et la rue de l'hôtel est bruyante. Impossible de dormir. C'est vrai? Mais et la ville? Vous avez visité la ville? Ah oui, j'ai visité la ville. C'était moche et triste. Il n'y avait aucune activité. Et la plage? C'était sale. Et il a plu tout le temps. Il faisait très froid, j'ai attrapé un rhume. Écoutez, je suis surprise et je suis désolée, monsieur Tellier. Nous vous offrons 30% de réduction sur votre prochain voyage, d'accord? Ah non, la prochaine fois, je vais dans une autre agence. Au revoir, madame.